La légende de Noël. Une vie sans jouets, vous pouvez imaginer ça? Moi pas. Maman est menuisière ébéniste, et pas un jour ne passe sans qu'elle n'en fabrique un. Pour elle, un jouet, ça met du soleil dans le cœur des gens. Et quand on vit dans un royaume recouvert de neiges éternelles, c'est important. On était en train d'en préparer plein pour Yule, la fête du solstice d'hiver. Notre atelier en débordait. Je dis notre parce que maman dit que je l'aide depuis toujours. Mon premier jouet, je l'ai fabriqué à 2 ans. Et maintenant, du haut de mes 7 ans, j'en ai déjà 71 à mon actif. D'après maman, j'ai un don, mais je ne lui arrive pas à la cheville. Elle est si douée que parfois ses créations sont demandées par des gens qui ne sont pas du village, alors qu'on vit loin de tout, à l'extrême nord du royaume, dans un coin si calme qu'on a l'impression d'être à l'abri de tout. Ce matin-là, des coups de masse se sont abattus sur la porte, si fort que j'ai eu l'impression que la maison allait s'écrouler. Maman s'est précipitée pour ouvrir. Quand elle a découvert un garde royal, elle est restée comme sonnée. Il lui a tendu une lettre et s'en est allé sans rien dire. Elle l'a lue et ça fait ça. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? On ne fabriquera plus de jouets. Quoi ? Noël, tu sais que notre royaume est coupé du monde depuis toujours ? Oui, à cause des montagnes qui sont infranchissables. Notre souveraine bien-aimée est la seule à détenir le pouvoir de les franchir. Depuis qu'elle est partie explorer ce qui s'y trouve, le seigneur régent Aix pense que notre royaume doit se préparer au pire. Mais pourquoi ce serait une raison pour arrêter de fabriquer des jouets ? C'est bientôt Yule ! Le royaume a besoin de tous ses artisans pour préparer la guerre. Pour la première fois de ma vie, je vis le visage de maman s'éteindre. Sans réfléchir, j'ai foncé dehors pour hurler aux gardes que c'était n'importe quoi ce truc, sauf que j'ai percuté quelqu'un et je me suis retrouvé les fesses dans la neige. Eh bien, mon garçon, pressé d'aller à l'école ? Ça tombe bien, j'y vais aussi. Accompagne-moi, veux-tu ? Ce petit bonhomme rondouillard avec sa bedaine qui dépassait de son pantalon ne pouvait pas être un garde. Il portait une broche en forme de flocon, l'emblème royal. Un sourire souligné par de petits yeux noirs m'ordonnait de le suivre. Arrivé dans la cour, j'ai découvert les copains terrifiés. Un soldat détruisait à coups de hache notre aire de jeu. On s'est regardé, perdu. L'un de nous s'est avancé. Fin, athlétique, le torse bombé, le visage pâle et fermé, mon exact opposé. Je ne l'avais jamais vu. Suivez l'exemple d'Okio, mon fils. L'un à côté de l'autre, garde à vous. On s'exécuta. Puis, les mains dans le dos, l'homme au flocon passa lentement devant chacun de nous. Il était plus impressionnant qu'un loup des glaces. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose de vous. Pourquoi, monsieur ? Maître Opia ne reviendra pas ? Qui t'a donné la parole ? 10 tours de cour. Mais... 20 tours. Par ordre du seigneur régent, maître Opia a rejoint la capitale. Je serai votre instructeur, maître Pahu. Je vais vous apprendre à servir le royaume. Pauvre Léna, elle ne méritait pas d'être punie. Et puis, ses leçons étaient bizarres. Du calcul à la lecture, tout tournait autour de la guerre. Et il valait mieux ne poser aucune question et avoir tout bon. Sinon, vous étiez parti pour des tours de cour. Okio, lui, était un élève modèle. Il se tenait droit, attentif, avec toujours la bonne réponse. Et pendant la récré, il restait en classe, le nez plongé dans son cahier d'exercice. À l'heure du déjeuner, on a tous poussé un ouf de soulagement. On put rentrer chez nous. Mais aucune trace des parents. Vos parents reviendront à la nuit tombée. Soyez sages et responsables. Voilà ce que nous a répondu le maître instructeur quand on est allé le voir, paniqué. Mais plutôt que de pleurer et de le traiter d'horrible gnou baveux, j'ai invité tous les copains à manger le ragoût de maman. Ça a été un sacré bazar de servir tout ce monde, mais un petit bol a suffi à leur redonner le sourire. Après ça, retour à l'école pour ouvrir un chapitre des aventures de la cour, notre jeu du midi où nos jouets vivent des histoires incroyables. Sauf qu'à peine arrivé, Pahu a bondi de la classe comme un démon. « Où vous croyez-vous ? » En un clin d'œil, nos jouets étaient saisis et jetés sur l'aire de jeu réduite en miettes. L'instructeur sortit de sa besace un petit globe en verre qu'il jeta violemment sur le tas de bois. Un liquide poisseux se répandit. Puis il craqua une allumette. Les jouets sont interdits. Des sanglots se mêlaient au crépitement des flammes. Je fixais le brasier et la colère empêchait mes larmes de couler. Tu as quelque chose à dire, Noël ? Il posa ses horribles petits yeux sur moi. Je sentis ma poitrine se serrer comme si une main de géant me pressait. J'ai baissé le regard. J'aime mieux ça. Maintenant, rentrez.

Le lendemain, pour moi et les enfants du royaume, tout fut différent. Nos leçons avaient pour seul sujet la guerre. Les divertissements furent proscrits, les jouets confisqués. Ils finirent entassés dans la salle du trône, comme le trésor d'un dragon sans pitié. La peur de la guerre était sur toutes les lèvres. Les gens étaient terrorisés. Oncle Hex, lui, rayonnait de noirceur. En un rien de temps, le royaume devint plus sinistre qu'un cimetière par une nuit de décembre sans lune. Un matin, je surpris une discussion dans la salle du trône. « Sire Pahu, expliquez-moi comment un petit village, perdu à l'extrême nord du royaume, échappe à notre contrôle. »« Il est protégé par un puissant esprit. »« Un esprit ?»« C'est l'esprit d'Yul, seigneur régent !»« Sombre idiot. Yul n'est qu'une fête. » Je vous garantis que c'est aussi un esprit qui apporte des jouets aux enfants. Arrêtez de vous moquer de moi. Jamais je n'oserais, seigneur régent. Mais plus on en brûlait, plus il y en avait. Et vous allez me faire croire que c'est avec ces jouets qu'il vous a chassé. Non, bien sûr. Mais ça a donné du courage et de la force aux villageois. Et fait déserter certains de nos hommes. On a dû battre en retraite. Mais je leur ai dit de craindre votre courroux. Vous avez bien fait. Je vais écraser cette rébellion pendant que vous moisirez au cachot. Le cerveau de mon oncle ne tournait vraiment plus rond. Ça ne servait à rien de lui parler. Je devais passer à l'action. L'avantage d'un château abritant un tyran, c'est que les gens sont tellement occupés à guetter son arrivée qu'ils ne font pas attention au reste. Je n'eus donc aucun mal à descendre en cachette aux écuries, chargée de mon sac de voyage. Je sifflai mon renne, Niout Niout arriva en bramant de plaisir. Il frétilla alors que je grimpais sur son dos. L'instant d'après, on filait comme l'éclair vers le Grand Nord. Après 2 heures de course, la route s'effaça. La végétation disparut pour ne laisser place qu'à des dunes de neige qui se répétaient à l'infini. J'appris à mes dépens que dans un désert, tous les pas se confondent. Résultat, plus on avance, plus la notion de temps vous échappe. On progresse si lentement que c'en est désespérant. Un homme croisa notre chemin. Il montait un ours blanc chargé de sacs qui lui battaient les flancs. Il portait un lourd manteau en peau, le visage dissimulé par un masque et d'énormes lunettes au vert bleuté. Il me salua d'un hochement de tête. Je me suis empressée de savoir s'il allait au nord, mais le froid me brûla la gorge. L'homme leva un pouce en l'air. J'allais lui demander si je pouvais venir avec lui, mais il me somma de me taire, un index devant la bouche. Puis il m'invita à le suivre. Jamais il ne dit un mot, même lors de nos pauses sous la tente. Pire, il restait impassible, même à mes meilleures blagues. On navigua pendant ce qui me sembla être une éternité. Finalement, mon ami silencieux pointa l'horizon. Une forêt s'y dressait et j'aperçus de minuscules maisons dont on devinait les fenêtres éclairées. Je voulus partager ma surprise et ma joie avec mon sauveur, mais une bourrasque de neige l'enveloppa et il s'évapora dans un souffle. Le village ne comptait que quelques maisons. Il n'y avait que des personnes âgées. J'étais si heureuse de parler à nouveau qu'un flot de questions déferla. Malheureusement, ce n'était pas le village que je cherchais. Pour m'y rendre, je devais passer par la forêt enchantée de Yuli. Le moyen le plus sûr était d'emprunter la route toute proche qui la traversait. Un léger tremblement de terre, comme un grondement sourd, me fit sursauter. Tous les habitants s'amassèrent à l'entrée du village. Au loin, une vingtaine de rennes royaux s'approchaient. Les soldats m'avaient rattrapé. Je n'eus pas d'autre choix que de prendre la voie la plus rapide et la moins sûre en coupant droit à travers la forêt. Malgré ses imposants sapins, la forêt n'avait rien d'effrayant. Le sous-bois était baigné d'une douce lumière habitée par le chant des oiseaux. Newt Newt fonçait, mais s'arrêta brusquement lorsqu'il découvrit une clairière improbable. Un champ de terre labouré, parsemé de jeunes arbustes, au milieu duquel trônait une drôle de bâtisse, si imposante qu'on aurait dit une immense grange biscornue. Des rires mêlés à des bruits de labeur s'en échappaient. Je mis un pied à terre. Un rossignol vint se poser sur les bois de Newt Newt. En regardant son merveilleux plumage, je fus soufflé. Ses plumes étaient en bois. Cet oiseau était un jouet animé plus vrai que nature. Il s'envola et alla se poser sur le toit de l'étrange bâtiment. J'avançai jusqu'à la porte d'entrée, pris une grande inspiration et toquai. Le tumulte à l'intérieur s'arrêta. Je frappai à nouveau, rien. J'ouvris quand même la porte. Devant moi, des dizaines de soldats, des petits êtres à peine plus grands que des brins d'herbe, me fixaient, aussi médusés que moi. Des centaines de jouets gambadaient, pendant que d'autres attendaient d'être assemblés ou emballés. Au centre, un petit garçon rondouillard s'affairait à fabriquer des jouets. Une vieille dame aux allures de chouette, plus fripée qu'un vieux parchemin, lui donna un coup de coude. Il s'arrêta, leva la tête et s'avança vers moi, un soleil accroché au visage. « Bienvenue chez nous. Je m'appelle Noël. Et toi ?»« Mary. Princesse Mary. Oh, que faites-vous ici ?» Je leur ai tout expliqué. Les soldats étaient subitement mal à l'aise et le petit peuple totalement effrayé. La vieille femme ne broncha pas, tandis que Noël bouillait. « Il faut partir, tout de suite. »« Sauf qu'on est à plusieurs jours de marche de ton village. Si on avait un traîneau, Newt Newt pourrait nous y amener. » « M'a l'air bien jeune, votre reine. Il m'a aidé à traverser le désert de glace. Rien ne lui résiste. »« Mais vous avez un plan? On n'arrête pas une horde de soldats comme ça. »« Je suis la princesse. Ils seront obligés de m'écouter. »« Et s'ils ne vous écoutent pas ?»« L'esprit de Yule leur fichera la frousse de leur vie. »« Avec des jouets ?»« Non, mais je pense qu'ils vont attaquer de nuit et ça pourrait bien jouer en notre faveur. Suffit juste d'être préparé. » Pour la première fois, je vis Noël à l'œuvre. Auréolée de lumière, les yeux brillants comme des diamants, ses doigts dansaient sur le bois au rythme de coups précis et délicats. En un rien de temps, il donna vie à un traîneau, si léger qu'il avait l'air de flotter. Noël bricola également des sortes de fer à cheval en bois enchanté qui permirent à Newt Newt de voler. Newt Newt galopait à travers les cieux aussi naturellement que s'il était sur la terre ferme. Le traîneau ne semblait pas lui peser. Son premier atterrissage fut en revanche quelque peu chaotique. Emporté par l'élan, on manqua de s'encastrer dans l'atelier de la mère de Noël. Notre arrivée fut un véritable rodéo d'émotions pour les habitants du village. L'émerveillement devant le traîneau enchanté tiré par un renne volant. La peur panique à l'annonce de l'arrivée d'une horde de soldats. L'espoir quand ils apprirent que j'étais la princesse et que Noël avait été béni par les esprits des glaces. À la nuit tombée, nous étions prêts à accueillir nos assaillants. Des dizaines de torches ne tardèrent pas à flotter au loin. Lorsqu'elles furent assez proches, j'allai à leur rencontre en chevauchant Newt Newt. Je vous ordonne de laisser ces gens tranquilles. Ah ouais ? Et t'es qui ? Mary. La princesse du royaume, fille de roi, grande souveraine des neiges éternelles, fille de Tully, le vénérable, bla, le vent... Blablabla, bla, ça va, on m'a compris. Pas la peine de nous casser les pieds. Vous devez donc m'écouter. Vous avez entendu, les gars? La mioche dit que je dois l'écouter. Vous êtes tenu de m'obéir. On est des mercenaires, ma petite. On obéit qu'à celui qui paye. Et notre patron, en ce moment, c'est le seigneur régent. Je vous paierai plus. Oh. Avec quel argent, ma jolie? Quand mère rentrera, elle saura se montrer généreuse. Et tu crois qu'on a le temps d'attendre? L'espoir paye pas. Et en plus, je suis sûr que si on te ramène au seigneur régent, il nous filera une prime. Il s'élança vers moi, tendit l'une de ses grosses mains pour me saisir, mais je réussis à esquiver de justesse. Newt Newt fit volte-face et fonça vers le village. Mais qu'est-ce que vous fichez, bande d'abrutis? Attrapez-moi cette princesse! Une nuée de mercenaires beuglants me poursuivit. Mais juste avant qu'ils n'atteignent l'entrée du village, un éclair claqua dans le ciel nocturne. Le vent se leva, porteur de murmures inquiétants. Les rennes se cabrèrent, projetant au sol leurs cavaliers affolés. « Enlevez-vous, bande de gnous! Tranchez-moi le premier truc qui se pointe !» Et là, une silhouette gigantesque s'éleva derrière le village. On aurait dit un géant des temps anciens. Les mercenaires détalèrent, abandonnant leur chef. Si seulement ils avaient su que ce n'était qu'un pantin recouvert de neige. Le rescapé de la peur fulmina, déterminé à mener à bien sa mission.